Elle passa dans sa chambre, se mit à sa table et écrivit la lettre suivante. « Monsieur le comte, la lettre jointe à la mienne vous expliquera la cause de la résolution que j'ai prise. Quand vous lirez ces lignes, j'aurai quitté votre maison et je me serai retiré auprès de ma mère, avec notre enfant. Ne comptez pas que je revienne jamais sur ce parti. Ne croyez pas en l'emportement de ma jeunesse, à son irréflexion, à la vivacité de l'amour jeune offensé. Vous vous tromperiez étrangement. J'ai prodigieusement pensé, depuis 15 jours, à la vie, à l'amour, à notre union, à nos devoirs mutuels. J'ai connu dans son entier le dévouement de ma mère. Elle m'a dit ses douleurs. Elle est héroïque tous les jours, depuis 23 ans. Mais je ne me sens pas la force de l'imiter. Non que je vous ai aimé moins qu'elle aime mon père, mais par des raisons de mon caractère. Notre intérieur deviendrait un enfer, et je pourrais perdre la tête au point de vous déshonorer, de déshonorer notre enfant. Je ne veux pas être une Madame Marneff, et dans cette carrière, une femme de ma trempe ne s'arrêterait peut-être pas. Je suis, malheureusement pour moi, une Hulot et non pas une Fischer.